Vivre chanter dans l'hiver avec nos espoirs. Vivre chanter dans l'hiver avec les espoirs. Vivre vivre à une autre vie. Je vais danser. Vivre penser à une amie. Il veut voyager. Il veut être dans l'univers à une autre vie. We'll be right back.